Ici, à Assemblage Requis, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault présentent une capsule inédite de Vidon la don la question. Et Stéphanie Gagné nous offre ses coups de cœur artistiques et culturels dans sa chronique Ton plat favori. On vous attend jeudi dès 15h pour Assemblage Requis.